Alright, bienvenue à l'autre monde. Attention, maintenant au micro. Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginin, nous en sommes à l'édition du 18 mars 2010 qui est mise en ligne, qui est mise sur les ondes seulement que le lundi 22 mars. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 mars, mais cette émission compte pour l'édition du 18 mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est pas très compliqué. Mon ordinateur a planté, chers auditeurs. Eh oui, le tout a crashé en début de semaine passée. J'ai été 3 jours dans un blackout total. Le temps de tout rebâtir, tout réinstaller le système d'opération et puis retrouver tout. Alors, ça a été le grand dérangement, disons, mais je sentais venir cette chose. Alors, ce n'est qu'une chose normale qui arrive avec ces ordinateurs qui sont bien utiles, mais quand même, somme toute, assez sensibles. Alors, j'avais même un virus apparemment là-dedans, donc c'est ce qui arrive, il faut les nettoyer. Alors, c'est fait et je suis de retour avec vous, et puis je ne pouvais ne faire cette émission parce que, comme je vous dis tout le temps, il y a énormément d'informations à passer. Alors, sauter une semaine, ça équivaut à doubler mes dossiers pour la semaine d'après, ce qui est déjà dur à prendre puisque j'ai déjà trop d'informations pour vous passer en 1 heure et demie. Donc, voilà, me voici. Et puis, on sera de retour aussi ce jeudi-ci. Alors, vous allez avoir 2 émissions cette semaine. Donc, voilà, vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Et puis, tant qu'à parler de Choc FM, je voulais vous donner une petite anecdote aussi. La qualité du son va s'améliorer. On a maintenant eu nos nouveaux serveurs ici à Choc FM. Pendant un bout, on a eu un gros problème. Le serveur a crashé aussi à Choc FM. Et puis, même avant, pendant quelques semaines avant ça, même on diffusait dans un faux stéréo. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est assez spécial, c'est qu'on a été 4 stations de radio alternative qui ont subi des problèmes avec leur serveur ou leur archive ou peu importe, en tout cas sur la gestion là, d'informatique de leur site. Et puis, ça s'est passé grosso modo en même temps. Alors, on a eu ici à Choc FM, après ça à CISM et 2 autres stations dans le coin de Québec, si je ne me trompe pas, qui ont été victimes de problèmes comme ça à peu près en même temps. Alors, c'est quand même assez spécial. On ne va pas faire dans les conspirations, mais disons qu'il y a des coïncidences qui sont assez peu probables. Alors, voilà quoi, une petite anecdote comme ça qui va vous laisser réfléchir un peu. On va attaquer avec quoi? On va attaquer avec dossier nucléaire cette semaine. Il y a une couple de trucs qui sont sortis, et puis il y en a 2 particulièrement que je voulais porter à votre attention tout de suite en partant l'émission. Le premier, c'est un article qui s'appelle « Les 50 faits à propos des armes nucléaires américaines ». Alors, le titre est en anglais, vous allez le retrouver, « 50 facts about US nuclear weapons ». Alors, allez voir ça, c'était publié par Brookings Education Project. Donc, c'est de quoi, là, de très valable et très valide là, comme information. Et puis, on vous donne ici 50 faits à propos du programme nucléaire militaire américain. Et c'est assez intéressant. Je vais vous donner quelques données comme ça, mais je vous invite à aller lire l'article au complet. Mais il y a beaucoup de données qui sont intéressantes à savoir, quoi. On dit que le Manhattan Project, qui a commencé, puis qui a duré à peu près dans les années 40, en tout cas, là, jusqu'à 1945, a coûté 20 milliards de dollars. Alors, en dollars, c'est énormément, là, d'argent pour développer ce truc-là. On dit que le nombre de missiles nucléaires qui ont été construits de 1951 jusqu'à présent, et de 67 500. Alors, on a bâti, on a construit aux États-Unis 67 500 armes nucléaires à travers toute cette période-là. Ça commence à être un assez gros chiffre, là, disons, pour dire les choses de façon simple, là, c'est pas mal plus que toute la puissance qu'on aurait besoin pour faire sauter la Terre au complet. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu un livre de Albert Jacquard qui avait calculé, lui, qu'on avait la puissance sur Terre pour détruire la planète Terre 50 000 fois. Alors, ça vous donne un peu une idée des proportions, hein. Donc, tellement d'argent d'investi pour la destruction et la mort. Si on avait investi tout cet argent-là pour des développements de la paix et puis pour l'humanité, peut-être qu'on serait rendu à une autre place, hein. Ça aussi, ça donne à réfléchir. On a dépensé beaucoup d'argent. On a, vous savez, ici, c'est quoi le nombre total de bombers. Alors, c'est des avions qui sont développés pour pouvoir transporter ces bombes nucléaires-là. On a construit plus de 4 680 de ces avions-là. On a eu un nombre maximal, donc on a atteint un sommet en termes de nombre de bombes nucléaires aux États-Unis disponibles. On l'a atteint en 1966, alors qu'on avait 32 193 bombes nucléaires à ce moment-là. Donc, c'est le plus haut nombre de bombes nucléaires à un certain moment donné depuis 1951 aux États-Unis. Ça fait pas mal de bombes nucléaires, disons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on parle ici de différents types de bombes nucléaires. Je vais sauter sur ça. Je vais vous laisser découvrir l'article. On dit le nombre ici de bombes nucléaires qui ont été demandées par l'armée. Alors, vous savez, l'armée demande de fabriquer certains nombres de bombes. Et puis, entre 1956 jusqu'à maintenant, l'armée a demandé la fabrication de 151 000 têtes nucléaires. Alors, c'est une chance qu'ils n'ont pas réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient. Imaginez la quantité incroyable de bombes nucléaires, complètement ridicule. Le point numéro 11, on parle de les plus grosses et les plus petites bombes nucléaires qui ont jamais été déployées. La plus grosse étant la B-17 et la B-24 qui pèsent environ 42 000 livres et d'une force totale de 10 à 15 mégatonnes. Alors, ça vous donne un peu une idée aussi là, de la capacité de ça. Allez pour le fun sur Internet et puis allez comparer de quelle puissance étaient les bombes qu'on a larguées sur Hiroshima et puis Nagasaki, vous allez voir. Okay? Moi, j'ai dit ici, la plus grosse bombe était de 10 à 15 mégatonnes. Faites attention parce que sur Internet, vous allez sûrement trouver des kilotonnes, ce qui est beaucoup moins. Alors, faites les calculs. Ici, dans le numéro 26, on parle du nombre d'installations secrètes d'urgence là, présidentielle. Alors, si on est pour avoir une attaque nucléaire sur les États-Unis ou une attaque majeure, donc on a des installations pour cacher le président et puis assurer la continuité du gouvernement. Et puis on dit ici dans cet article-là qu'on en a plus de 75 aux États-Unis. Alors, des installations secrètes d'urgence présidentielle. Le fait numéro 29 est aussi intéressant. On parle du nombre total de tests nucléaires faits par les Américains entre 1945 et 1992. Et puis on apprend qu'il y a eu plus de 1030 essais nucléaires à travers lesquels on a fait détonner plus de 1 125 bombes nucléaires et puis 24 tests additionnels en accord avec la participation de la Grande-Bretagne. Alors, vous savez, ça aussi, là, c'est une autre raison pour laquelle on se retrouve avec autant de radioactivité dans l'air. Alors, on a eu tellement de tests nucléaires qui se sont faits. Il y en a un qui a été évidemment souterrain et sous-marin, mais on en a beaucoup aussi qui ont été faits à l'air libre dans le Pacifique, par exemple. Et les Français sont aussi responsables de ça. Et la plus grosse explosion à date des États-Unis, et en est une d'une bombe qu'on a fait exploser en 1954 qui s'appelait Bravo, de 15 mégatonnes. Et d'ailleurs, il a fallu payer des réparations au Japon par rapport à ça. Il y a même ici une île qui s'appelle Eniwetok, qui a été complètement vaporisée le 1er novembre 1952 dans un test qui s'appelait la bombe H-Mike. Alors, on a fait exploser des îles au complet. Le nombre de tests dans l'océan Pacifique est de 106. Le nombre de tests nucléaires qu'on a fait dans le désert du Nevada est de 911. On a essayé aussi des armes nucléaires en Alaska, au Colorado, au Mississippi, puis au Nouveau-Mexique. Le fait 41 est assez troublant aussi. On parle du nombre de mètres cubes en termes de volume des déchets radioactifs résultant des activités pour construire et entourant là, la fabrication d'armes nucléaires. Alors, on a 104 millions de mètres cubes de déchets radioactifs résultant de cette industrie de la mort, qui évidemment sont des problèmes à venir pour les générations à venir. Alors, c'est évidemment, ça se trouve à être là un legs, hein, un héritage qu'on va laisser aux dizaines et centaines de générations à venir, hein, ces expérimentations complètement débiles qu'on a faites pour assurer le pouvoir, l'hégémonie mondiale, toujours dans le but d'assurer ce pouvoir donc destructeur sur les autres nations. Ce qui est encore aussi, comme je vous disais, assez troublant. Le fait numéro 44, en parlant de faits troublants, c'est le nombre de bombes nucléaires américaines qui ont été perdues dans des accidents qui n'ont jamais été retrouvées. On a 11 bombes comme ça qui ont été perdues et qu'on n'a jamais retrouvées à travers le monde. Ça aussi, ça fait réfléchir. Et on va terminer avec quelques petits faits. On a le nombre d'employés fédéraux du département de l'énergie aux États-Unis qui emploie 18 608 personnes. Alors, c'est une industrie qui est assez vaste. Et on a le nombre de contracteurs aussi qui sont employés par le département de l'énergie. En 1996, le chiffre était de 109 242. On a aussi le nombre de pages qui ont été classifiées secret d'État par le département de l'énergie qui sont en possession de ce département-là. En 1995, on avait 280 millions de pages classifiées secrètes par ce département. Donc, oui, c'est un domaine assez particulier de voir ces faits-là. Ça donne aussi une autre perspective sur tout ce dossier des bombes nucléaires. Alors, allez consulter ça. Et puis, dans l'autre dossier plus proche à la maison ici, c'est un article qui a paru le 4 mars 2010 sous la plume de Louis-Gilles Francoeur. Et on apprend que les réacteurs nucléaires ici au Canada qui produisent l'électricité, les réacteurs CANDU, risquent l'emballement selon les informations apportées par M. Francoeur. Alors, on dit pour éviter une Tchernobyl, la Commission canadienne de la sécurité nucléaire propose de changer de combustible. Alors, j'invite les auditeurs qui n'ont pas entendu la très, très excellente entrevue avec Julie Lemieux qu'on a faite un peu plus tôt en début d'année, d'aller la voir, d'aller l'écouter parce que vous allez comprendre que on a un sérieux problème avec ça et puis surtout qu'on veut donner de l'expansion, repartir Gentilly 2, Hydro-Québec qui va acquérir sous toute probabilité la centrale nucléaire au Nouveau-Brunswick de Pointe-le-Pro. Donc, on va augmenter, on va agrandir le portfolio d'Hydro-Québec, qui est la grande société d'État ici qui gère la production d'électricité. Et on va se retrouver avec plus de problèmes. Et on a encore de quoi qui vient percer les nouvelles avec cet article qui nous apprend que ces réacteurs CANDU ou CANDU, je crois pas, je suis pas certain là d'exactement comment qu'on l'appelle, CANDU. Alors c'est le nom des types de réacteurs qu'on emploie ici au Québec. On a développé la technologie qu'on cherche à exporter aussi. Risque l'emballement. Alors c'est tout un dossier problématique au niveau de gestion des déchets radioactifs et puis de ce réacteur-là, au niveau de la sécurité et évidemment là, de tout ce que ça implique là, pour les gens qui habitent autour. Et puis, vous savez que les gens qui habitent autour, ça inclut des gens qui habitent à des centaines de kilomètres et sinon quelques milliers de kilomètres. Si on se rappelle à l'événement de Tchernobyl, on s'aperçoit que on va avoir un cercle assez large autour, là, tout dépendant de la dispersion des vents et puis de la force et puis de la météo cette journée-là. Eh bien, on se retrouve avec des poches tachetées de radioactivité qui se répandent sur le terrain. Et puis, après ça, ben, évidemment qu'on est aux prises avec un problème irréversible, en tout cas à court terme, ça c'est certain. Donc, allez voir cet article-là. On apprend que les réacteurs canadiens de type CANDU risquent d'être victimes d'un emballement similaire à celui qui a détruit en 30 secondes celui de Tchernobyl en avril 1986, selon un rapport secret de la Commission canadienne de sécurité nucléaire qu'on appelle la CCSN. L'ampleur du risque potentiel identifié par la Commission fédérale est telle qu'elle a recommandé aux sociétés d'État et privées qui possèdent des camps d'eau au pays de changer leur combustible nucléaire naturel au profit d'un combustible moins réactif, soit de l'uranium légèrement enrichi, utilisé sous forme de GRAP, LVRF, Low Void Reactivity Fuel. Alors, les producteurs d'énergie nucléaire ont jusqu'au 1er avril pour démontrer à la Commission, sur la foi de tests indiscutables, que ces appréhensions et celles de la communauté scientifique internationale ne sont pas fondées. Sinon, les producteurs de nucléaire devront changer de combustible et modifier, ce faisant, le cœur de ce qu'on appelle la filière nucléaire développée par le Canada. Alors, on parle ici de ce rapport secret qui a été révélé, et puis, bon, différentes informations qui ont été traitées dans certains médias. Alors, je vous invite à aller voir ça et puis de lire c'est quoi le cœur de ce problème-là. Et puis, vous allez comprendre là qu'on a encore un problème au niveau de la sécurité, de la sûreté de ces fameux réacteurs nucléaires. C'est un problème qui a été jugé de plus en plus grave et au fur et à mesure qu'on a commencé à l'étudier. C'est précisément parce que Gentilly 1 avait été jugé incontrôlable en raison de son coefficient de réactivité du vide qu'on l'a fermé définitivement en 1973 après seulement 6 mois de production. Et puis là, on veut investir 2 milliards de dollars de votre argent. Et ça, c'est au gros minimum parce que les coûts ont déjà augmenté depuis les premières projections et ne vont pas, évidemment, finir d'augmenter parce que c'est tout le temps des coûts astronomiques qui s'ajoutent et puis des imprévus. Et puis, après ça, on se demande si ça va fonctionner alors qu'on n'avait même pas réussi à la faire fonctionner plus de 6 mois la première fois qu'on l'avait ouvert, cette fameuse Gentilly 2, notre seule centrale nucléaire ici au Québec. Donc, c'est un problème qui est non négligeable et puis qui mériterait une plus grande place sur les médias. Donc, moi, je vous en parle et puis allez lire cet article qui nous concerne tous ici au Québec et puis dans tous les pays qui possèdent ces fameuses centrales nucléaires produites par le Canada. Et probablement que ce problème ne se limite pas seulement qu'aux centrales canadiennes, c'est-à-dire que toutes les centrales nucléaires, on parle de celles en France, aux États-Unis, sont en train de vieillir et puis on a un grave problème avec ça. Ça va coûter des fortunes pour les rénover et on parle de risques de fuite continue. Ils s'en produisent tout le temps. Vous savez, ici, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, mais sur la côte Est, ici en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, on a eu un problème avec ces fameux réacteurs il y a quelques mois maintenant. Et on a eu des fuites assez considérables et c'est très dommage parce qu'on n'avertit pas vraiment la population qui habite autour et puis on essaie d'enterrer le problème comme si le nucléaire était une énergie propre et sécuritaire. En fait, elle ne l'est pas du tout. Donc, un article assez intéressant à lire qui va clore ma petite parenthèse sur le nucléaire du début de cette émission. Et puis, on va y aller maintenant avec différentes nouvelles. On va se déplacer vers le Moyen-Orient maintenant. Avec différents trucs. Attendant un peu, avant de faire le Moyen-Orient, on va faire une petite boucle vers l'Église catholique, le Vatican et toute cette gang de. Évidemment, il faut faire attention de ne pas faire des généralisations, mais l'Église catholique a un très grave problème d'image en ce moment et vous avez sûrement entendu parler de ce scandale. Des pédophiles, des différents prêtres qui ont sodomisé des petits garçons et puis violé des petites filles. Alors, la vérité est en train de sortir. C'est de quoi qu'on a essayé de garder dans les ténèbres, dans le coin, essayer de ne pas trop révéler et puis d'enterrer cette histoire, mais ça fait des décennies qu'on en entend parler. Ici au Québec, c'est pareil. On a mis l'Église catholique de côté. Ça a été assez sec quand on a commencé à comprendre que ces gens-là se présument d'être une autorité morale et spirituelle sur le peuple. Hein? Se disent l'être des messagers, des voix de Dieu. Et puis après ça, on voit que ces gens-là qui habitent dans un modèle et un paradigme de pensée qui est complètement dépassé. Alors, on parle des prêtres, hein, de l'Église catholique qui empêche que les prêtres puissent avoir des femmes. Alors, vous essayez de faire en sorte que les hommes ne puissent pas satisfaire leur impulsion. Alors, on dit que selon cette religion-là, les prêtres et puis les pratiquants de la religion catholique, surtout les prêtres, en tout cas, on sait bien, ne peuvent pas vivre en couple et puis on se retrouve avec des situations où les prêtres se retournent et puis produisent des choses qui sont un peu louables, hein? Les gens qui croient en Dieu, eh bien, je vous pose la question de savoir comment ça se fait que votre Dieu n'a pas pu intervenir et pu arrêter ces choses-là, dans ses propres églises. Alors, vous avez tout un dossier ici avec le pape Bénédicte qui essaie de battre en retraite ces informations-là et puis essayer de redorer l'image de l'Église catholique. Mais on est dans une bataille déjà perdue. L'Église catholique vient de prendre une sérieuse claque au visage avec tout ce gros dossier, ce scandale incroyable des prêtres qui, en dehors de toute autorité morale, qui viennent de détruire, ont commis des horreurs, OK? Ont commis des abus sexuels sur des enfants. On en a payé pour acheter leur silence. Alors, vous avez un tas d'articles ici à aller voir. Le Vatican qui a essayé de distancier le pape des abus. Hein? Donc, on essaye de faire en sorte qu'on ne va pas entacher la réputation du pape. Et puis là, on a des informations qui sortent que, comme lui-même aurait essayé de cacher certaines informations alors qu'il était avant d'arriver à son poste de pape. Alors, c'est tout un gros dossier là, très, très chaud qui est en train de sortir. Et puis, l'Église catholique qui va en prendre pour son rhume, ça, c'est certain. Et il est temps qu'au lieu d'essayer de cacher la vérité, que l'Église sorte et admette ses erreurs et puis s'excuse et puis se réforme. OK? Les parents qui envoient leur enfant à l'Église dans des institutions qui sont prises avec des problèmes d'abus d'enfants, des abus sexuels d'enfants, doivent repenser à ça. C'est un modèle qui est fini. Des gens qui se disent d'une autorité morale et puis qui commettent des exactions comme ça. C'est sûr que la tentation de certains auditeurs de penser qu'ici on fait des généralisations, de penser que ça implique tous les bons catholiques du monde, c'est de réduire ce que je dis à certaines choses que je ne pense pas. C'est évidemment pas une généralisation, surtout pas des bons chrétiens qui existent, autant qu'il y a des bons musulmans, des bons juifs, des bons bouddhistes, des bons taoïstes, des bons athées. Mais il y a des problèmes auxquels il faut faire face. Et puis, ce n'est pas des scandales d'abus sexuels qui sont parcellaires et isolés. C'est de quoi qui est assez problématique un peu partout. Vous savez, l'Église catholique a été obligée de payer, débourser quelques centaines de milliards de dollars. Je crois que c'est l'année passée pour essayer de fermer certains cas judiciaires là-dessus pour payer certaines victimes. Alors, on reconnaît qu'il y a un problème très grave. Quand on parle de l'ordre de paiement de quelques centaines de millions de dollars, c'est qu'il y a un problème assez répandu. Okay? On va s'entendre là-dessus. Donc, on a un problème de pédophiles et puis d'abuseurs sexuels dans l'Église catholique. Et puis, il est temps que ceci cesse. Il est temps que ces institutions se réforment, face à la vérité, hein, et puis en fait s'excusent et puis prennent en compte le problème pour ensuite pouvoir le régler. Okay? Donc ça, c'est un dossier absolument débile, donc je vais vous laisser vous lire vous-même et vous penser à ça par vous-même. C'est quelque chose, c'est quelque chose. OK, donc on va y aller avec Moyen-Orient. Moyen-Orient, il y a énormément de nouvelles aussi. On parlait dans les émissions passées de M. Blair, Tony Blair, qui, vous allez voir dans les nouvelles de l'actualité, je vais essayer de vous en parler aussi cette semaine, fait énormément d'argent depuis qu'il a quitté son poste de premier ministre d'Angleterre. Fait de l'argent avec quoi? Ben, fait de l'argent avec ses conférences à travers le monde, mais aussi fait de l'argent avec les guerres en Irak, okay, qui lui rapportent des millions de dollars, okay, par année. Alors, M. Blair, qui souffre du syndrome du criminel de guerre, et puis après ça, en plus, en profite. Alors, profite de différentes compagnies qui font du profit sur la guerre en Irak. Alors, c'est assez spécial. Et M. Blair, qui avait révélé aussi dernièrement, qu'Israël avait contribué, avait été un facteur très important dans cette guerre en Irak. Alors, on sait, si vous cherchez moindrement, qu'Israël est un des nations, est un des principaux acteurs qui a poussé pour cette guerre et puis a propulsé de la désinformation à l'intérieur même des gouvernements de l'Angleterre et des États-Unis, avec un paquet de mensonges pour démoniser l'Irak, qui était perçu comme un ennemi d'Israël et jamais un ennemi des États-Unis ou de qui que ce soit d'autre. Alors, Israël qui est un énorme facteur pour partir cette guerre. Et puis, la guerre qui s'en vient contre l'Iran, d'ailleurs. Alors, vous avez le même pattern qui est utilisé pour vendre la guerre en Iran, qui a été utilisé pour vendre la guerre en Irak. Alors, soyez très alertes, chers auditeurs. Et si vous croyez pas ça, que c'est Israël qui est un des gros acteurs derrière cette vente, ce PR, cette campagne de propagande pour vendre ces guerres, alors autant la guerre en Irak qu'en Iran. Eh bien, j'ai un article ici incroyable qui vient de sortir, qui s'appelle « The Bush didn't go to war for Israel ». Alors, on essaie, c'est Karl Rove qui a rejeté la notion qu'Israël était connecté avec le fait que l'administration Bush a décidé d'aller en guerre en Irak dans un nouveau livre qui va être publié, qui a été relâché, je crois, cette semaine, ou qui va être relâché le mardi prochain, un truc du genre. Et puis, en réplique de ça, ici, vous avez un article très important qui vient de What Really Happened, une belle cumulation d'articles qui parlent d'Israël qui veulent attaquer l'Irak. Alors, ça, c'est très important à aller voir pour les gens qui pensent que quand on dit des affaires comme ça, que c'est de l'antisémitisme ou du Israël bashing. Alors, il est temps que vous allez ouvrir vos yeux et puis constater ce qui se passe réellement par vous-même. Okay? Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune question du fait qu'Israël était derrière toutes ces poussées vers ces guerres. On parle autant d'Irak que d'Iran qui s'en vient. Alors, un article qui s'appelle Qui envoie vos enfants mourir à la guerre? Et vous avez une liste assez impressionnante de têtes d'articles. Okay? Donc, vous avez des liens vers les articles. C'est des articles qui ont été publiés dans les médias de masse. Alors, si vous refusez ce fait-là, c'est parce que vous êtes dans le déni. Alors, allez voir ça. Vous en avez une quantité assez impressionnante. Attendez un peu, là, vous en avez 4 pages ici avec juste des titres d'articles. Alors, Israël qui veut que les États-Unis attaquent l'Irak armé, Israël qui dit que la guerre en Irak bénéficierait à toute la région, une attaque contre l'Irak bientôt, selon Sharon. Vous avez l'Israël qui veut pousser les Américains à attaquer l'Irak le plus tôt, le meilleur. Israël qui dit aux États-Unis ne pas mettre de délai pour attaquer l'Irak. Cheney qui admet que les États-Unis vont attaquer l'Irak pour aider Israël. Okay? Donc, boum, ça c'est le titre de l'article. L'AIPAC qui est en train de pousser les États-Unis pour attaquer l'Iran pour Israël. L'AIPAC qui veut pousser le Congrès à passer des sanctions contre l'Iran. Vous avez ici Israël qui dit que l'Iran est proche d'avoir une bombe nucléaire. Alors, écoutez, là, je pourrais vous les lire tout au complet comme ça. Là, ça, c'est des titres d'articles. Alors, allez voir qui pousse pour ces guerres, qui profite réellement de ces guerres, de qui l'Iran et l'Irak sont des ennemis perçus. OK? Puis, ce n'est pas des États-Unis. L'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis. OK? L'Irak n'était pas une menace pour les États-Unis. Allez voir qui était dans le gouvernement américain sous Bush, et puis allez voir qui sont encore dans le gouvernement américain sous Obama, qui ont des doubles nationalités israéliennes et américaines, et allez voir où ils sont placés dans le gouvernement, quel poste ils occupent. Okay? Ce n'est pas de l'antisémitisme de porter votre attention sur ça, c'est un fait. Si vous aviez à la tête des États-Unis des doubles nationalités, je sais pas moi, pensez à Iranien, Américain ou russe américain ou japonais américain. Qu'est-ce que vous penseriez des doubles nationalités, genre, je sais pas moi, Arabie saoudien? Ok, donc saoudien ou ben non, indonésien américain, ok, à des postes hyper importants. Est-ce que vous pensez pas qu'il qu y aurait pas une certaine, je sais pas, un refoulement dans les médias là-dessus, un genre de sonnerie de clairon qui dirait, attendez, là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on a des musulmans dans le gouvernement qui travaillent dans les plus hauts postes, à la CIA, au Pentagone, sous l'administration du gouvernement. Oh là là! Mais quand c'est des doubles nationalités israéliennes, américaines, ça, c'est correct? Envers qui ces gens ont une allégeance? Envers qui ces gens sont-ils loyaux? On ne peut pas être loyal à 2 mètres. Pensez à ça à 2 secondes, OK? Vous allez vous mettre sur une piste assez importante qui s'appelle les néocons, et que les néocons sont hautement sionistes. Et sionistes, ce sont des gens qui ont pour idéologie politique. OK? Ce n'est pas une religion, ce n'est pas le judaïsme. Le sionisme, c'est une idéologie politique. On pourrait dire raciste, hégémonique. de contrôler l'entier Moyen-Orient, du Grand Israël, et qui est fondée sur le terrorisme. Okay? Donc, allez voir l'histoire du mouvement sioniste. All right? Vous allez comprendre qui est Théodore Herzl. Vous allez comprendre comment que le sionisme est né, juste avant que l'État d'Israël soit créé, par le terrorisme. Allez faire un petit tour sur Wikipédia, vous allez voir, c'est domaine public, c'est de quoi qui est accepté, là, c'est de quoi qui est documenté, là, y a rien de nouveau là-dedans sous le soleil, OK? All right, donc on continue, on va y aller avec l'Iran. Vous avez le premier ministre de la Turquie, M. Erdogan, qui a déclaré cette semaine que l'Iran avait des droits nucléaires et puis devrait être respecté. Et que ce n'est seulement qu'une rumeur que l'Iran essaierait de produire des bombes nucléaires, alors qu'il parlait devant le premier ministre de l'Angleterre, Mr. Gordon Brown, à Londres, ce mardi passé. M. Erdogan a aussi questionné pourquoi certains pays comme Israël ne faisaient pas face à des appels de la communauté internationale pour se désarmer, alors que l'Iran l'a fait. Alors, ça, c'est une excellente question. On parle ici des armes nucléaires qu'Israël possède. Okay, donc, on est en train de faire une grosse histoire avec l'Iran qui n'en possède pas encore, alors qu'Israël possède des bombes nucléaires depuis au moins les années 60, un fait qui est connu, qui est documenté. Là, vous avez des documents là-dessus. Là, vous avez même Carter qui en a parlé. Vous avez même Olmert qui en avait parlé sur un média en Allemagne. C'est de quoi qui est connu, là. Vous avez même ici le premier ministre là, de la Turquie qui vient d'en parler. Okay? Donc, c'est pas de quoi on essaie de tenir un nuage nébuleux autour de ça, mais il n'y a rien de nébuleux, là. C'est évident qu'Israël possède des bombes nucléaires. Il n'y a aucun débat là-dessus, là. Donc, c'est une très bonne question qui a été amenée par le président, le premier ministre de la Turquie. Et c'est une question qui aurait besoin d'être posée, mais qui ne l'est pas, par les médias corporatifs. Et puis la raison qui explique ce fait-là, pourquoi qu'on n'a jamais posé cette question-là aux États-Unis. Vous avez même, je t'avais parlé il y a une couple d'émissions aussi, là, la fameuse reporter qui avait posé la question à Obama. Je crois que c'était la première conférence de presse. Et puis la madame avait demandé à Obama pourquoi quelle était la seule nation au Moyen-Orient qui possédait des bombes nucléaires. Et puis Obama a complètement évité la question, et puis savait très bien la réponse à cette question, c'est Israël. Et la raison pour laquelle on n'en parle pas dans les médias, c'est un gros tabou aux États-Unis, dans les médias nord-américains, ça a rapport avec l'amendement de Symington. Et puis l'amendement de Symington spécifie qu'il n'y a aucune aide militaire américaine, aucune aide financière qui peut aller vers des pays qui possèdent des bombes nucléaires. Et qui ne signeront pas les accords de non-prolifération nucléaire ou qui n'ont pas permis l'inspection de ces sites. OK? Alors, ça fait en sorte que les États-Unis donnent de l'aide financière et militaire de façon illégale à Israël depuis le temps que les États-Unis financent l'État d'Israël. C'est illégal, c'est contre la Constitution, c'est contre la loi aux États-Unis. Vous avez Mordecai Vanunu qui, dans les années 80, aussi avait confirmé publiquement que Israël possédait des bombes nucléaires. Ça a été, comme je vous disais, confirmé par l'ancien Israélien, le premier ministre israélien Ehud Olmert, et puis l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Alors, vous savez qu'Israël refuse de signer cet accord de non-prolifération nucléaire. Alors, ces sites d'armement nucléaire ne sont jamais inspectés. Alors ça veut dire que les payeurs de taxes américains qui payent entre 3, 4 et 5 milliards de dollars à chaque année à l'État d'Israël est faite de façon illégale sous les lois américaines. Les États-Unis ont essayé aussi de mettre de la pression sur la Russie pour mettre du délai dans le départ de la première station nucléaire en Iran, auquel ils ont contribué à la construction. Et M. Poutine a déclaré qu'il n'en était pas question, qu'on était pour lancer la première production d'électricité cet été même. Et vous avez Clinton qui a fait un petit voyage en Russie, qui s'est fait renvoyer tranquillement chez elle. Et puis n'a pas été capable de faire en sorte que la Russie mette du délai dans le départ de cette station. Alors, ça, c'est assez clair. Et puis, voilà la réponse des Russes à Miss Hillary Clinton. On ne va pas mettre du délai dans le départ de cette station pour la simple et bonne raison que c'est une station de production d'électricité, une centrale électrique qui est destinée à la production d'électricité pacifique et aussi à la production d'isotopes médicaux. Alors, on n'a aucune preuve en ce moment qui existe que l'Iran essaie de se procurer des bombes nucléaires et fait tout pour faire en sorte qu'on soit rassuré quant à ses intentions. Vous avez même des efforts cette semaine qui sont visibles, qui fait que l'Iran est prêt à échanger de l'uranium pour de l'uranium enrichi sur son propre territoire. Alors, essaie de faire en sorte de démontrer à la reste de la communauté internationale qu'elle est de bonne volonté, de bonne foi. Donc, elle ne veut pas faire d'enrichissement de son uranium à l'étranger parce qu'elle s'est déjà fait avoir de cette façon, mais elle serait prête à le faire des échanges sur son propre territoire. Alors, voilà qui est très encourageant. De l'autre côté, vous avez les officiels israéliens, eux, qui ont déclaré que l'Ouest, l'Occident, a entre 4 et 8 semaines pour finir ses efforts diplomatiques avec l'Iran. Alors, on essaie de donner des temps limites, alors de mettre des ultimatums, OK? Alors, encore, on voit une fois qui a une attitude arrogante dans tout ce dossier-là. Et puis, j'ai nommé Israël qui assume qu'elle a le droit de dire au reste du monde ce qu'il peut faire et quand ils peuvent le faire. Alors, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont très arrogants, et qui se prennent pour d'autres et puis qui se croient avoir un droit divin de dicter aux autres quoi faire. Alors, c'est la réalité, c'est des articles qui démontrent un peu la psychologie de ces gens-là. Un article qui parle ici des États-Unis qui penseraient supposément à refuser à Israël la livraison d'armement qui serait destinée à une attaque contre l'Iran. Donc, ça, c'est une nouvelle qui est peut-être un peu trompeuse. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que d'un autre côté, vous allez voir dans d'autres articles que les États-Unis ont déplacé des effectifs militaires et puis des bombes de haut calibre et puis aussi des bunker busters, comme on appelle, à Diego Garcia. Alors, ça, c'est une affaire qui s'est passée très dernièrement et puis c'est de quoi que c'était fait aussi avant l'invasion de l'Irak. Donc, c'est de quoi on peut voir en référence dans le passé, qui laisse présumer qu'une attaque est sous le bord de se produire en Iran. Alors, on voit des préparations militaires assez inquiétantes et puis assez révélatrices sur le fait que les États-Unis pourraient lancer une offensive assez bientôt contre l'Iran. Donc, des livraisons d'armement qui sont faites. Vous avez des articles à aller voir là-dessus. Un article d'ailleurs qui a été publié par le Herald Scotland. Ça, c'est assez inquiétant, là. On parle de 195 bombes intelligentes BLU 110 et puis 192 bombes massives de 2000 livres qu'on appelle des BLU 117. Des trucs qui sont des bunker busters et puis qui ont des charges nucléaires pour. On parle d'uranium appauvri, alors pour aller percer des dalles de béton profondément enfouies sous terre. Donc, on dit aussi de la part comment il s'appelle, du directeur du Center for International Studies and Diplomacy at the University of London, donc l'Université de Londres, M. Dan Tlech, qui a déclaré que on est en train de se préparer pour une destruction totale de l'Iran. Selon une étude de différents documents américains, on est capable de voir que les Américains sont en train de se préparer pour une attaque contre l'Iran. Et puis, une citation de cette personne-là, Dan Plesh, déclarait que des bombardiers américains sont prêts en ce moment à être déployés pour détruire plus de 10 000 cibles à l'intérieur de l'Iran en quelques heures seulement, et puis qu'on aurait supposément assez de pouvoir d'attaque pour soutenir une attaque contre l'Iran pendant, je crois que c'était une affaire comme, attendez un peu, là, 70 heures, 70 jours sans arrêt, alors 24 heures sur 24. Alors, voyez des trucs assez importants là à les consulter. Ça augure pas bien, ça augure pas bien. Ça fait plusieurs mois, si c'est pas des années, si c'est autre monde, que je vous tiens au courant d'une attaque possible contre l'Iran. Ça fait longtemps qu'on essaie de la préparer. L'opinion publique a réussi à bloquer cette attaque depuis au moins là une couple d'années. Mais les préparations ne regardent pas bien. Ça regarde pas bien. Ça augure pas bien. Vous avez Israël qui se prépare aussi, complètement prête. On a distribué même à certains villages près de la frontière des pilules à l'iode là, en cas d'une attaque nucléaire ou quoi que ce soit. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et puis, c'est sur le bord de se produire. J'ai bien peur. On n'espère pas, évidemment, mais vous avez ces mouvements-là qui laissent présager de quoi d'assez grave là, qui se prépare. Un conflit militaire qui pourrait dégénérer en une troisième guerre mondiale parce qu'on sait que la Chine et puis la Russie derrière l'Iran. La Russie qui a déjà déclaré qu'elle prendrait une attaque sur l'Iran comme une attaque personnelle sur la Russie. Alors, c'est pas de quoi très, très, très, très, très encourageant. Et puis, ces nouvelles-là ont été publiées dans les médias de masse encore, donc le Sunday Herald. Donc, on a plusieurs centaines de puissantes bombes qui sont envoyées dans cette base de Garcia, l'île de Garcia, Diego Garcia. Donc, c'était un même move qui avait été fait avant l'attaque de l'Irak en 1993 et puis en 2003. Ici, un article de Paul Craig Roberts, très important à aller voir, qui parle de la prochaine étape et qui serait de faire en sorte qu'on aurait une fausse attaque terroriste, un peu à la style d'opération Northwoods, dans laquelle l'Iran serait blâmé. Okay? Alors, on aurait l'Iran et puis le leadership qui serait immédiatement démonisé après cette fausse attaque terroriste qu'on blâmerait sur eux. Alors, une fausse attaque terroriste pourrait se produire sur les intérêts américains ou israéliens même, et qui donnerait la justification aux Américains et puis le support de l'opinion publique européenne pour partir le bombardement de l'Iran. Alors, un article ici assez important à aller consulter. On parle d'un autre article ici, l'Iran de la prochaine crise. OK? Alors, ça, c'est un autre article important à aller lire. On parle des États-Unis qui pourraient continuer à imposer des sanctions économiques contre l'Iran. Des actions comme telles qui sont entreprises ont évidemment un effet sur la qualité de la vie des gens dans laquelle ces gens-là vivent. Alors, si on impose des sanctions économiques contre l'Iran, qui va en souffrir? Ben, c'est évidemment les Iraniens eux-mêmes, le peuple. Alors, c'est une justification, c'est un peu un calcul assez cruel de Washington qui dit que si les gens souffrent assez terriblement des conséquences émanant de ces sanctions-là, alors qu'ils jetteraient le gouvernement existant à terre. Et puis, vous savez, c'est un schéma de pensée qu'on a essayé de mettre en action aussi en Irak, qui n'a pas fonctionné, quand l'administration Bush avait décidé ensuite de renverser le gouvernement, le régime de Saddam Hussein à travers une invasion militaire, qu'on a vu que cette philosophie ne fonctionnait pas. Et puis, qu'à cela ne tienne, ben, on essaie de reproduire le même pattern. Alors, on va essayer d'appauvrir la population pour faire en sorte que la population se révolte contre son propre gouvernement, qu'ils vont juger à ce moment-là comme étant nuisible. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que bien souvent, ils ne font que radicaliser ces pays-là. Et le support pour ces figures autoritaires comme Ahmadinejad et puis Saddam Hussein ne fait qu'augmenter suite à ces sanctions-là, parce qu'on perçoit à ce moment-là les États-Unis comme étant la menace, comme étant la nation contre laquelle il faut se défendre. Alors, c'est de quoi qui est un peu bizarre comme schéma de pensée. Et puis, selon cette façon de penser du gouvernement américain, si les gens d'une nation souffrent de façon cruelle de problèmes économiques, eh bien, ils devraient renverser leur gouvernement. Et puis, on se demande là si le gouvernement est bien certain que c'est un chemin que toute la population devrait suivre. Et M. Obama devrait penser à ça aussi, peut-être nos gouvernements, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer aussi à la maison, hein. Donc, on sait que les Américains, vous allez voir dans les nouvelles économiques, souffrent énormément. Les pertes d'ouvrages, d'emplois continues, les pertes de maisons, les reprises de finances, la dépression est en train de s'accentuer. Les gens sont de plus en plus en dette. Alors, selon la logique de Washington qu'on va appliquer dans les pays étrangers, pourrait peut-être s'appliquer aussi à l'intérieur du gouvernement et puis voir le gouvernement américain être renversé sous ce même schéma de pensée. Alors, je ne sais pas si vous me suivez ici, là, mais à un moment donné, on fait un peu dans la double pensée ici, hein. Puis là, vous avez probablement entendu parler de ce fameux, en parenthèse, scandale du vice-président Joe Biden qui est en visite en Israël et puis qui s'est fait donner un coup de poing en pleine face alors qu'il venait pour essayer de faire plus d'efforts pour l'effort de paix entre Israël et puis l'État palestinien. Et puis, en même temps que M. Biden était en visite, eh bien, on a révélé publiquement qu'Israël était pour entreprendre la construction d'encore plus de colonies illégales dans les territoires occupés palestiniens. Alors, c'était un peu un crachat en pleine face au visage de M. Joe Biden. Et puis, on a, depuis ce temps-là, monté ça un peu en tempête dans un verre d'eau. Et en nous faisant à croire qu'Israël et puis les États-Unis étaient en train de tomber en désaccord et puis que la relation spéciale entre les États-Unis et Israël était en train de mourir et blablabla, on est en train de faire une grosse histoire autour de ça. Il y a un fait assez intéressant que le webmaster de What Really Happened, Michael Rivero, a énoncé sur son site et puis que je trouve pas folle du tout et puis qui va comme suit. C'est qu'on est en train de faire en sorte que publiquement, on perçoit une certaine division, un certain conflit, une certaine distanciation entre Israël et les États-Unis pour faire en sorte que si les États-Unis étaient pour attaquer l'Iran, que Israël était pour avoir un prétexte pour s'en laver les mains puis dire que non, non, non, ce n'est pas nous autres qui avons poussé les États-Unis à attaquer l'Iran, que les États-Unis ont fait ça de leur propre chef. Donc, on est en train de préparer le terrain tranquillement et psychologiquement pour faire en sorte que on ne soit pas capable d'associer ou qu'Israël ait une décharge facile, un dédouanage pour faire en sorte là, qu'on se dissocie de cette attaque-là puis qu'on ne la reproche pas à Israël parce qu'on sait très bien que dès que les populations arabes qui habitent au Moyen-Orient et la communauté internationale vont voir qu'une attaque soit lancée sur l'Iran, eh bien qu'Israël va être impliqué évidemment là-dedans, qu'on va blâmer Israël, on va accuser les États-Unis de faire la job d'Israël, de faire la job qu'Israël veut imposer aux États-Unis, parce qu'Israël n'a pas la force de le faire. Alors Israël a tout le temps cette tendance à vouloir impliquer les autres dans ses guerres pour faire l'ouvrage à sa place, OK? Et ce qui va arriver, c'est que là, on a des troupes américaines qui se trouvent en plein milieu entre Israël et puis l'Iran, donc dans une attaque de revanche ou de défense d'Iran contre une attaque américaine, eh bien, on aurait probablement des attaques qui seraient faites sur les troupes américaines en Irak et puis contre l'État d'Israël lui-même. Donc, vous avez ici là tous des enjeux très importants qui sont connectés ensemble et auxquels je vous invite là à penser puis à réfléchir pour voir ce qui se passe géostratégiquement et puis politiquement, qui sont des signes qui sont assez importants et puis qui ont été notés par, comme je disais, Michael Rivero sur son site What Really Happened, qui est un excellent site pour aller chercher vos nouvelles, soi-disant de temps passant. Donc, d'autres indices qui montrent qu'une attaque vers l'Iran est vraiment là, sous le bord de se produire. Donc, on va y aller avec l'Irak maintenant. C'est un gros bloc et on va mettre après ça un petit peu de musique et puis on va revenir après la pause. Mais c'est important de passer à travers ces nouvelles-là qui sont très, très chaudes et qui sont mieux d'être sur la place publique pour savoir consciemment ce qui se passe dans les médias et puis essayer de décoder les choses. Alors, un article ici qui parle de retourner à la maison, on parle de retourner en Irak après 10 ans. Alors, vous savez qu'il y a eu des millions de réfugiés irakiens qui se sont enfuis de ce théâtre de guerre dans leur pays, puis qui commencent à retourner à la maison tranquillement et s'aperçoivent que les gens, les Irakiens, sont complètement dépassés et puis n'en ont marre avec la pseudo-sécurité puis la stabilité que les Américains ont amené à ce pays-là. Alors, beaucoup de gens qui retournent chez eux après s'être enfuis de l'Irak racontent des choses comme quoi que Saddam Hussein au moins gardait les rues propres et puis ne tuait pas des millions de personnes, des millions d'Irakiens, que des centaines de milliers de personnes avaient été tuées jusqu'à date et puis au-dessus de 1 million avaient quitté le pays vers des nouvelles vies à l'extérieur de l'Irak. Okay? On dit que même si Saddam Hussein et puis sa dictature était mauvaise, que les choses étaient quand même meilleures, n'étaient jamais aussi mauvaises que depuis l'invasion américaine. Okay? Donc ça vient de la bouche des Irakiens même. On dit que l'Irak ne sera jamais la même depuis l'invasion américaine, que les choses se sont détériorées d'une façon permanente. Et ça, c'est assez triste. C'est un acompte, c'est un récit qui est de plus en plus fréquent, qui vient des Irakiens même, OK? Donc, ils sont évidemment, très conscients de ce qui se passe dans leur pays, puis qui savent que les conditions de vie ne se sont pas améliorées, que la situation est loin de s'être améliorée dans ce pauvre pays qui est sous attaque et puis occupation militaire depuis 2003. Je parlais de Tony Blair, et ben vous avez l'article ici qui a été publié dans le Daily Mail. Alors, on a appris cette semaine que M. Blair a fait tout en sorte pour garder secret ses accords et puis ses investissements d'argent. Et puis ici, on parle d'argent dans le pétrole, d'investissement dans le pétrole, qui a été révélé qui rapportait depuis 2007 plus de 20 millions de livres sterling. Alors, ça doit être pas loin de 25 à 30 millions de dollars américains. Alors, ben oui, Monsieur Blair qui a attaqué l'Irak et puis après ça a des profits très lucratifs avec différents géants du pétrole, des multinationales qui ont des intérêts très importants en Irak. Alors, si vous ne voyez pas ici de conflits d'intérêts graves, alors on s'est demandé quelle en est la définition, hein? Alors, M. Blair, qui a des investissements avec une compagnie qui s'appelle UI Energy Corporation, qui vient de la Corée du Sud. On a appris aussi que M. Blair fait des millions de dollars à travers différents contrats, dont certains avec, vous avez ici, le Koweït, avec la famille royale au Koweït. Alors, M. Blair qui profite énormément de tout ça. En Afghanistan, maintenant. On a différentes nouvelles aussi qui sont importantes au niveau des talibans. On a un reportage assez intéressant à aller voir sur l'influence et le pouvoir des talibans dans la région du Hemlan. Alors, vous avez une série de vidéos ici très intéressantes, assez rares aussi, où c'est qu'on est allé filmer sous les lignes talibanes. Alors, c'est intéressant de voir comment les choses se passent là-bas. Et puis, ça, c'est un reportage. C'est un reportage à voir, à mon avis, là. Alors, voilà. Vous avez ici Matthew Hone qui parle que les opérations à Marja n'accomplissent absolument rien en Afghanistan. Alors, c'est un ancien senior représentant américain et puis qui est posté dans la province de Zaboul en Afghanistan et qui dit que les mortalités civiles à Marja ont causées par l'opération Mochtarak lancée par l'OTAN et les forces américaines n'était pas nécessaire et puis qui n'était une opération qui accomplissait absolument rien. A aussi déclaré que les Afghans locaux voient les forces américaines comme des occupants militaires, okay? Donc on voit on perçoit le pays comme étant sous occupation militaire et que leur présence en large nombre, suivant la décision du président Obama d'envoyer plus de troupes, était pour faire en sorte que les gens étaient pour se radicaliser et puis prendre les armes pour se battre contre les forces étrangères qui occupent leur pays. Alors, voilà un autre avertissement très important. On envoie nos G.I. Joe là-bas pour se faire tuer dans des guerres qui ne sont pas perçues comme étant d'aide et de libéralisation, mais bien comme étant des guerres d'occupation par les gens qui habitent ces contrées, autant en Afghanistan qu'en Irak. Alors, pourquoi ne pas rapatrier nos soldats, hein? Donc, ça, c'était une question qu'on devrait poser dans les médias, mais qu'on ne fait pas. On a un article ici publié par Uruknet qui parle que les talibans contrôlent la région de Marja durant la nuit. Ça, c'est une autre affaire assez troublante, alors qu'on a lancé une offensive majeure et puis qu'on a causé la mort de plusieurs dizaines de civils pour faire en sorte que quoi? Ben, pour faire en sorte qu'on se retrouve avec des militants qui regagnent le contrôle de cette région-là moins d'un mois après que l'offensive a été lancée par l'OTAN. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la victoire selon l'OTAN et puis les États-Unis dans des régions comme à Marja. Alors, ça, c'est un genre de pattern qui va être répété dans d'autres cibles qu'on va mettre en place, comme à Kandahar, où c'est qu'on est en train de monter une prochaine offensive. Quand on tue des civils en Afghanistan, ben, ça vaut pas cher. Alors, ça vaut à peu près 2 500 $ qu'on donne aux familles comme compensation quand on tue des civils innocents. Alors, ça vous donne un peu une idée de comment qu'on perçoit les vies là-bas. Alors, vous tuez une personne au Moyen-Orient, ça vaut à peu près 2 500 $, hein? Ça vaut pas trop cher. 2 500. Alors, c'est comme ça, hein? C'est comme ça que on pense, c'est comme ça que on perçoit les gens dans ces occupations militaires. Alors, c'est assez triste, je veux dire. J'ai pas grand mot à dire là-dessus. Je vais vous laisser apprécier la réalité telle qu'elle est. Le temps qui, comme je vous disais, selon le général Stanley McChrystal, qui est en train de révéler qu'une nouvelle invasion de la province du Kandahar va se produire très bientôt dans une des prochaines offensives majeures en Afghanistan. Alors, ça donne comme résultat ce qui s'est passé à Marja, ben, disons que c'est déjà perdu d'avance, hein? Donc, on prévoit aussi d'autres attaques militaires contre la province de Kunduz et qui devraient être cédulées un peu plus tard cette année. Alors, on peut s'apercevoir qu'il y a encore d'autres civils qui vont mourir, hein? Donc, c'est comme ça que ça se passe là-bas. C'est pas drôle. Et puis, ça continue de jour en jour. Et puis, les attaques qu'ils montrent contre les forces offensives américaines. Alors, ce qui se passait en Irak là, est en train de se passer en Afghanistan. Vous avez de plus en plus de ces engins explosifs cachés sur le bord des routes, les engins explosifs. IED qu'on appelle en anglais et qui sont utilisés de plus en plus, qui sont faites à la maison. Alors, vous avez comme ça, des petites bombes qui coûtent 50 $ à produire, qui peuvent mettre en danger et puis détruire des appareils militaires qui coûtent environ 4 millions de dollars, qui sont capables de faire crasher des avions qui coûtent 30 millions de dollars. Alors, des petites roquettes qui sont faites à la maison avec des cannes de métal. OK? Et puis, on est capable de mettre ça en place et ça coûte environ 50 $. Et puis, les forces de contre-insurgence sont capables de fabriquer ces choses-là et puis de mettre en déroute les armées les plus puissantes du monde. C'est un exemple aussi de la guerre du Vietnam. Alors, les Russes qui doivent évidemment rire énormément en ce moment de voir les Américains s'embourber dans le même bordel que l'armée soviétique s'était embourbée dans le début des années 80 puis qui n'avait pas réussi à prendre contrôle de l'Afghanistan, même avec un demi-million de troupes. Alors, on se demande bien ce que les Américains vont réussir à accomplir avec les forces de l'OTAN, de 160, 170 000 à tout casser de troupes là-bas déployées. Alors, attendez-vous à plus de radicalisation du pays, à plus de civils qui vont être tués, et puis un embourbement encore plus profond. Alors, voilà quoi, c'est une nouvelle du Moyen-Orient. C'est pas rose, mais c'est tel quel. Il y a certaines nouvelles concernant la Palestine aussi que peut-être qu'on pourrait passer avant cette pause musicale. Et puis, c'est le fait qu'il y a un livre qui est publié par Euroknet. Et puis là, attention, c'est assez grave. J'ai vérifié les sources, j'ai croisé les sources 3, 4 fois. Alors, c'est de quoi qui est très réel et puis qui est vérifiable. Là, c'est un livre qui a été publié par certains rabbins en Israël, et puis j'ai la nouvelle ici publiée sur Euroknet qui s'appelle The Complete Guide to Killing Non-Jews. Alors, quand on parle d'antisémitisme, il faudrait peut-être aussi commencer à parler d'anti-goyim, si vous voulez, d'anti-non-juifs, parce que vous avez dans ces courants de pensée beaucoup de racisme aussi qui existe et qui est très grave. Donc, on parle très peu. Alors, on parle d'antisémitisme, mais on ne parle pas aussi d'anti-non-juifs. Et ça, je trouve ça assez dangereux, assez grave, parce que là, vous avez des livres qui sont publiés comme ça, comme je vous dis, j'ai vérifié les sources, là, j'ai croisé les sources au moins 3, 4, c'est pas 5 fois, pour être bien certain que c'est de quoi qui est vraiment réel, là, de quoi je vous parle ici en ce moment, là. Et on a publié un livre, un guide complet pour tuer les non-juifs. Donc c'est assez troublant. Je vous laisse aller découvrir l'article vous-même et puis voir comment que vous avez des rabbins, des religieux qui sont d'un racisme xénophobique assez déconcertant. Et on publie des guides comme ça qui rationalisent, justifient le massacre ou le meurtre de non-juifs. Alors, je n'en dis pas plus que ça, parce que moi, je trouve ça carrément troublant, et puis je manque de mots pour décrire ces affaires-là. Alors, allez lire cet article-là, ça va être publié sous la rubrique Palestine sur les nouvelles internationales. Et rendez-vous compte de la réalité aussi, il y a des malades mentales partout, OK? Donc, voilà. Vous avez des avions chasseurs israéliens qui ont volé au-dessus de la bande de Gaza pour la bombarder cette semaine. Alors, on a eu des attaques avec des F-16 israéliens. qui ont attaqué la bande de Gaza, qui ont lancé quelques missiles dans cet endroit. Et il y en a même un qui a brisé la barrière du son dans le ciel au-dessus de la bande de Gaza au niveau du nord et puis du centre, causant une panique dans les foules là-bas, surtout des enfants et puis des femmes. Alors on brise le mur du son à basse altitude, ce qui est évidemment un son très, très épeurant. On dit que ça fait suite à certaines roquettes qui ont été lancées vers Israël. Et puis encore là, le timing est très intéressant, à savoir que ça arrive tout le temps au moment où Israël en a le plus besoin, comme si les Palestiniens avaient ce don de lancer des roquettes au moment où c'était le pire pour eux, alors qu'ils étaient proches d'un accord de paix, où les États-Unis essayaient de pousser Israël pour un accord de paix. Alors, au moment le pire pour eux, ils lancent des roquettes. Alors, ça vient à un moment donné poser des questions à savoir si c'est qui ces gens-là qui lancent ces roquettes, parce qu'on ne vous donne jamais vraiment de source à savoir qui lance ces roquettes-là. Et on a différents articles. Si vous faites vraiment des recherches sur Internet, sur un moteur de recherche, vous allez voir que certaines roquettes sont lancées par des sympathisants, des gens qui sont liés à Israël. Alors, ça donne des motifs et des justifications à Israël de ne pas poursuivre des pourparlers de la paix. On parle de 1 000 jours d'un siège israélien qui a tué plus de 500 personnes dans la bande de Gaza. Un siège qu'on pourrait appeler d'apartheid. Okay? Attention, un mot qui va être bientôt banni ici au Canada. Eh oui, on est en train de. Vous avez la semaine aussi, là. Comment qu'elle s'appelle la semaine? J'ai oublié le nom, là. C'est une semaine, en tout cas, qui est érigée, là, qui est faite depuis quelques années pour apporter à l'attention l'état d'apartheid, là, qui se passe dans la bande de Gaza puis en Cisjordanie. Un état d'apartheid qui est fait par Israël. Okay? Donc, vous avez plusieurs efforts, autant aux États-Unis. Qu'au Canada que dans d'autres pays aussi, là, de bannir même le mot apartheid, okay? De bannir la critique contre l'État d'Israël, même contre la politique, okay, d'Israël. On parle même pas ici d'antisémitisme ou d'Israël bashing ou de sentiments anti-juifs ou de quoi que ce soit, là. On pourrait critiquer les politiques du Japon ou de l'Afghanistan, ou parler de critiquer là, les politiques de n'importe quel autre pays, mais on va faire en sorte, là, on est en train de pousser ici au Canada, puis dans d'autres pays comme aux États-Unis, puis en Europe, on va bannir et puis même rendre illégale l'utilisation du mot apartheid et puis toute critique de l'État d'Israël lui-même. Alors ça, c'est assez troublant aussi, et puis c'est de voir le silence généralisé des médias là-dessus. Alors, on va bannir carrément là, votre liberté d'expression, toute critique. Alors, c'est assez grave ce qui se passe, OK? Alors que vous avez Israël qui est en train de planifier 50 000 unités dans Jérusalem-Est. Alors, ce qui est en train de faire toute une cohue là, dans les médias de la communauté internationale. Israël est en train d'envoyer son armée pour fermer la bande de la Cisjordanie. OK? Alors, les tensions qui montent là-bas. Donc, vous voyez encore. Alors, au lieu d'éliminer les raisons pour lesquelles il y a des révoltes dans ces places-là, comme les raisons quelles sont-elles? Ben, c'est la planification de plusieurs milliers de maisons dans ces places-là. Alors, on vole des terrains, puis après ça, on construit des maisons pour Israéliens seulement. Après ça, on construit un mur autour, et puis c'est comme ça qu'on vole la terre, et puis les maisons, et qu'on démolit d'autres maisons palestiniennes. On a un paquet de provocations comme ça qui sont faites, et puis au lieu d'éliminer ces provocations-là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on radicalise encore plus la population en utilisant l'armée israélienne, et puis de contenir, et puis de sceller ces places-là, et puis de continuer à donner de l'expansion à l'État d'apartheid contre la Palestine. Les États-Unis qui ont donné la lumière verte pour la construction de plus de maisons dans Jérusalem-Est, alors peu importe la réaction de Biden suite à sa visite en Israël, une chose est certaine, c'est que les États-Unis ne vont pas se mettre dans le chemin d'Israël. Alors, vous voyez vraiment là ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça, là, Israël qui brutalise les enfants palestiniens. Vous avez des détentions illégales d'enfants en Israël qui sont faites. Alors, un autre article ici à les consulter. Les classes de Palestiniens, alors les classes écolières qui sont retenues dans des checkpoints, alors des points de sécurité où on arrête les jeunes d'aller à l'école. Alors ça aussi, c'est assez incroyable. Alors les professeurs palestiniens qui ne s'en laissent pas imposer, puis de continuent de donner leur classe, même si c'est à l'extérieur. Alors on fait en sorte que les jeunes palestiniens peuvent continuer à avoir leur leçon, alors leur leçon écolière. Et puis c'est assez hallucinant de voir que même les enfants palestiniens doivent souffrir le prix de cet état d'apartheid incroyable, où on arrête même les enfants au checkpoint et puis on les empêche d'aller à l'école. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des nouvelles qui sont publiées puis qui témoignent de la réalité là-bas. On parle du ministre de la Santé palestinienne qui déclare que 12 morts et puis 25 blessés dans la bande de Gaza depuis les 3 derniers mois ont été causés par Israël. Alors, ça continue. Ça, c'est la vie normale dans la bande de Gaza, OK? Et selon le rapport publié par le ministre de la Santé, on dit que 75% de ces morts se sont produites durant le dernier mois de janvier et que 91,7% des victimes étaient sous 18 ans, étaient âgées de moins de 18 ans. Alors, un fait assez triste, mais encore là, comme je vous dis, c'est la réalité sur le terrain. Alors, voilà pour les nouvelles de la Palestine. Alors, on fait une légère pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Merci de rester à l'écoute. C'est beaucoup de nouvelles, beaucoup de parlages, mais c'est important qu'on passe au travers. Et puis, merci d'être à l'écoute et de suivre l'émission. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause. François Marginat. On va faire un petit aperçu de l'actualité au niveau de l'économie. Un article a été publié le 8 mars 2010 par Quentin Peel à Berlin. Ici, on parle dans cet article que le Fonds monétaire international, le FMI, dans la suite là, de la catastrophe grecque, est en train de songer à faire en sorte qu'on mette en place des nouvelles agences de régulation des marchés financiers et incluant là, le marché monétaire européen. Et puis, c'est le FMI qui est en train de suggérer dans cet article et que quelque part, ça devrait être le FMI qui pourrait gérer ça. Alors, on est en train de vous préparer tranquillement, faire en sorte qu'on ait des méga institutions financières et bancaires qui vont gérer des zones au complet comme la zone européenne et puis après ça, ici, la zone américaine. Vous avez une même tendance qui se passe en Asie et puis en Amérique du Sud. Alors, vous avez ce modèle-là qui est en train d'être mis en place et puis après ça, le FMI qui se réclame comme étant une institution bien capable de gérer ces affaires-là, alors que c'est les fameuses médecines du FMI qui ont fait s'écraser l'économie d'au-dessus d'une centaine de pays dans le monde, tel que décrit dans le livre de Michel Tchaïkovski, La mondialisation de la pauvreté, que je vous suggère, que je vous encourage fortement à lire. Donc, oui, on est en train de proposer des étapes comme ça pour imposer des institutions supranationales qui vont contrôler l'économie au complet, mais encore là, des institutions financières qui sont contrôlées aucunement par le vote, par la démocratie, par le peuple. Donc, de quoi qui devrait être assez préoccupant dès qu'on commence à penser réellement aux implications de tout ça. Encore plus dans l'économie, si vous avez le rapport numéro 25 de Max Keiser que j'avais commencé à vous parler, je crois, la semaine passée. Qui est excellent, vraiment excellent, qui a une perspective sur l'économie qui, je dirais, qui est peu commune, surtout dans les médias, là, donc qui ose vous dire la vérité, qui ose dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on parle ici là, de l'égalité, le fossé entre les milliardaires, les super riches et puis les pauvres qui s'agrandit partout dans le monde et surtout aux États-Unis. On parle aussi de différentes conséquences de cette inégalité dans nos sociétés. Alors, ça, c'est un petit vidéo de 26 minutes à aller consulter. On a un autre article ici par CBS News qui nous parle de la dette nationale américaine qui est de 2 trillions de dollars, OK? Donc, de 2 000 milliards de dollars depuis qu'Obama a pris contrôle de l'administration aux États-Unis. Alors, la dette qui se tient maintenant à 12,6 trillions de dollars. Alors, c'est une augmentation du 10,6 trillions qui existait déjà quand Obama a rentré en fonction. Alors, vous voyez que M. Obama est très, très fort aussi dans la création de dettes. Alors, c'est évidemment pas lui qui contrôle le pays, c'est Goldman Sachs. Et vous allez retrouver une liste impressionnante là, de personnes qui ont travaillé pour Goldman Sachs qui se retrouvent dans l'administration Obama. Partout sur Internet, là, faites des petites recherches, vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous avez aussi la Chine qui a réduit ses possessions de dettes américaines de 5,8 milliards de dollars en janvier dernier. Même affaire pour le Japon qui a fait une plus légère baisse, mais vous avez une tendance ici claire, les deux plus grands financiers des États-Unis, financeurs de la dette, ceux qui achètent les bons du Trésor et les trucs du genre, ont tendance à diminuer leur quantité de réserves de dollars américains. Et puis non seulement ça, ont cessé d'acheter aussi ces fameux bons à long terme du Trésor américain. Alors, on parle ici là d'une dette corporative totalisant 19,1 milliards de dollars qui n'ont pas été achetés au mois de janvier. Alors, totalisant les pertes de gauche à droite, là, on se retrouve avec une perte des achats de ces bons corporatifs privés de 24,8 milliards de dollars, qu'on dit être la plus grande baisse de l'histoire, en tout cas mesurée économique des États-Unis. Donc, des choses très importantes là, qui se passent en ce moment et qui devraient sonner le glas qui devraient sonner l'heure. De la phase terminale économique des États-Unis. Alors, oui, c'est de quoi prévoir. Le deuxième crash qui s'en vient va être beaucoup plus grave que le premier qu'on a connu en 2008 et 2009. On parle d'un prochain bail-out, un prochain plan de sauvetage américain qui est en train de se préparer aux États-Unis. Alors, on se prépare à voler encore plus d'argent des payer taxes pour rembourser Wall Street et les grands banquiers. Okay? Alors, on parle d'un prochain programme de 1,25 trillion de dollars selon les objectifs de Bernanke. Alors, ça, c'est à prévoir aussi. Jim Rogers qui parle de la prochaine récession dans une vidéo que je vous présente. Il y a aussi Bernanke qui a déclaré, qui a écrit dans un document que la Fed a besoin de mettre fin aux demandes minimum de réserve. Alors, vous savez, dans le système fractionnaire bancaire dans lequel on existe, dans lequel on opère, eh bien, ce qui arrive, c'est que les banquiers, les banques privées peuvent imprimer de l'argent ex nihilo, c'est-à-dire à partir du vide, à partir de rien. Okay? Donc, on part à l'imprimerie, puis là, on crée de l'argent comme ça. Et puis après ça, on passe cet argent-là au gouvernement. Donc, comme je vous disais, c'est de l'argent qui est une dette. Alors, on doit cet argent-là aux banquiers privés qui ont imprimé cet argent-là, qui eux ont pour frais le seul papier puis l'encre pour imprimer ces choses. Alors, vous voyez un peu déjà. Le truc, hein. Donc, si vous essayez, vous, dans votre cave, de faire l'imprimerie de billets comme ça, ben, ça sera pas long, que vous allez rentrer en prison, hein. Vous êtes bien conscient de ça. Sauf que pour les banquiers privés, c'est de quoi qui est maintenant légalisé. Alors, c'est la grosse fraude légalisée. Et ce qui arrive, c'est qu'on demandait quand même un certain montant réserve minimum, c'est-à-dire que si la banque, par exemple, possédait 1 milliard de dollars, eh bien, elle pouvait faire des prêts de 8 à 10, jusqu'à des fois jusqu'à 15 fois plus que ses réserves étaient. Alors, elle pouvait passer de 8 à 15 milliards de dollars. Alors, la banque passait, mettons, un chiffre, le milieu de 10 milliards de dollars sur des réserves qu'elle avait de 1 milliard. Alors, elle a créé 9 milliards de dollars qu'elle n'avait pas, mais qui va lui être remboursé plus intérêt. Alors, vous comprenez un peu ici le problème mathématique dans lequel on vit, ce qui fait en sorte qu'ici au Canada, on doit 3 fois la masse monétaire au complet, c'est-à-dire qu'on a environ 1 trillion de dollars dans la masse monétaire, et puis on doit, en tout et partout, avec toutes les dettes accumulées, entre 2,5 et 3 trillions de dollars. Alors, on a un sérieux problème, c'est-à-dire que si on prenait toute la masse monétaire électronique et en argent cash qui existe au niveau de l'économie canadienne, eh bien, on en devrait encore 2 fois plus. Alors, il n'y aurait plus une cent en circulation et puis on devrait encore 2 fois tout cet argent-là. Alors, c'est un problème mathématique qui est susceptible de vous donner un mal de tête quand on y pense réellement là, de façon très sérieuse. Alors, Bernanke, là, dans cet article-là, ici, on apprend, a demandé qu'on élimine carrément, là, cette demande de réserve minimum que les banques centrales même peuvent avoir. Alors, on est en train carrément, là, de demander d'avoir le pouvoir de créer de l'argent autant qu'on en veut, et puis la donner à ses amis de Wall Street et des banquiers internationaux sans aucune limite. Alors, même Obama a demandé au Sénat, de se dépêcher. Okay, pour entreprendre cette réforme des finances qui est évidemment très controversée, qui va donner plus de pouvoir à la Fed, okay, qui est une banque centrale privée. Okay? Donc, vous avez une banque centrale privée qui contrôle l'économie puis la création de la monnaie aux États-Unis autant qu'au Canada. Donc, c'est ce qui nous a mis dans le trouble en premier lieu. Et puis là, on demande de donner plus de pouvoir à ce système qui est problématique, qui crée l'inégalité, qui crée l'enrichissement et la consolidation du pouvoir à l'intérieur des mêmes mains qui contrôlent ce système bancaire. Voilà pour les solutions, des solutions qui sont complètement bidons et puis qui reflètent en réalité qui contrôle nos gouvernements, les politiques, qui contrôlent l'économie. La perte d'emploi, le chômage aux États-Unis qui est en augmentation dans les régions métropolitaines. Dans cet article, on apprend qu'on a 363 régions métropolitaines dans lesquelles on a eu des pertes d'emploi à la hausse au mois de janvier. Donc, ça, c'est selon les chiffres du département du travail qui a déclaré ça vendredi dernier. Okay? Donc, à chaque fois que le gouvernement vous dit que les choses vont mieux pour l'économie, il faudrait comprendre que ces personnes sont en train de vous dire que finalement sont en train de vous mentir à travers tout ça, okay? Parce qu'il n'y a aucune chose qui s'améliore, surtout pas pour, en tout cas, les États-Unis, ça, c'est certain. On a un article ici qui parle des propriétés à Sainte-Lucie puis à Martin, aux États-Unis, dans les comtés américains, qu'on a plus de la moitié des maisons qui sont dans le rouge avec leur paiement de maison, leur paiement d'hypothèque. Alors, vous voyez que ça ne va pas très bien. Jacksonville, ici, on parle d'un taux d'une montée de 10 % des personnes qui n'arrivent plus à payer leur hypothèque. Ici, dans un autre article, c'est 20 % de hausse pour les reprises de finances dans la région de la Californie. Un autre ici, c'est le Prince George, le county de Prince George, où on a vu à peu près 1 800 reprises de finances le dernier mois. Ça, c'est dans le Maryland. Donc, ça ne va pas bien dans plusieurs régions des États-Unis. Les reprises de finances qui sont à la hausse en Illinois, alors des hausses de 22 % dans le mois de février dernier. Dans la région d'Atlanta, on parle aussi de records de reprise de finances. On a reprise plus de 12 526 maisons. C'est un record pour cette région. Le budget aux États-Unis qui est en déficit grandissant. Alors, on parle ici d'un déficit de 1 million de dollars à toutes les 11 secondes. Alors, ça vient même des chiffres du gouvernement. C'est encore un résultat des guerres à l'étranger et puis de l'argent qu'on donne à Wall Street. D'un autre exemple qui montre que l'économie ne va pas bien, ben vous avez ici en Amérique Blockbuster, qui est un des plus grands centres de location de DVD, de films et de trucs du genre, qui est en train de faire faillite. Okay? Vous avez ces parts sur les marchés financiers qui ont baissé de 29 % la semaine passée. Alors, je vous avais déjà dit, je crois que c'était aussi la semaine passée que Blockbuster pensait fermer 500 de ses magasins. Okay? Donc, ça va pas très bien, même pour les grosses compagnies. Vous avez même certains États aux États-Unis qui sont très, très rapides à taxer et puis à imposer leurs citoyens. Mais là, on apprend que d'un autre côté, ils n'ont plus d'argent et puis ils vont faire en sorte que les payeurs de taxes vont devoir attendre leur retour d'impôt. Alors, on ne va pas rembourser ces retours d'impôt immédiatement. On parle de des États comme celui de New York, d'Hawaï, qui vont mettre un délai dans ces retours d'impôt. Alors, ça, c'est vraiment excellent. Alors, vous voyez qu'on a toujours de l'argent pour les guerres, de l'argent pour Israël, de l'argent pour Wall Street, mais quand vient le temps de donner de l'argent qui appartient aux payeurs de taxes américains, ben là, vous allez attendre. Donc, vous avez deux articles à ce sujet. Ensuite, vous avez un article ici qui parle du nombre de milliardaires qui a augmenté. Donc, on parlait du fossé de l'inégalité qui est en train de se creuser aux États-Unis et puis à travers le monde, c'est le cas. Vous avez le Forbes magazine qui a fait sa liste annuelle des gens les plus riches du monde. Et puis, on a appris qu'en 2009, le nombre de milliardaires a augmenté de 793 à 1011 et que leur fortune totale avait augmenté de 2,4 trillions à 3,6 trillions de dollars. Le nombre de milliardaires russes, d'ailleurs, a plus doublé de 32 à 62 pour compléter ce tableau. Alors, on va aller consulter l'article pour tous les détails. En Grèce, bien, comme je vous disais, on est en train de voir une attaque terroriste économique sur le pays qui va servir de modèle pour crasher les économies des autres pays autour. Et vous avez une opposition du peuple assez féroce contre tout ce qui se passe là-bas, un peu comme en Islande. Donc ça, c'est intéressant à voir. Mais la chose comique à voir, c'est que on est tout le temps prêt à intégrer ces pays-là dans une union, ici l'Union européenne, pour servir comme vache à lait. Mais quand vient le temps des problèmes, eh bien, on s'aperçoit que là, oups, on est moins amis avec ces nations-là. Et l'Union européenne a enlevé le droit de vote à la Grèce suite à sa crise économique. Alors, c'est une humiliation assez grave là, d'un membre de l'Union européenne. Et puis, après ça, on se demande si on n'est pas en train de créer volontairement ces soulèvements sociaux-là. Alors, ça, c'est une chose à garder à la tête aussi, c'est que la population va sentir le besoin et puis la rage de plus en plus grande de sortir dans les rues puis de manifester, puis le danger de manifester de façon violente, parce que c'est évidemment ce que les États et puis les autorités en place veulent. Alors, on peut entreprendre des actions de non-coopération, de désobéissance civile, mais soyez pacifique, allez-y avec la philosophie de Gandhi. Il faut y aller de façon pacifique, chers auditeurs, pour ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus. On nous attend de pied ferme et puis ça va n'arriver qu'à donner la justification aux États de sortir leur appareil policier, militaire et puis après ça, de vous enlever vos libertés, vos droits et libertés, et même de déplacement, d'expression de votre pensée, même de fermer Internet et de toutes ces avancées-là. Alors, soyez prudent là-dedans, mais soyez très au courant de ce qui se passe et puis de la façon qu'on agit face à tous ces événements. Bon, alors, parlant de voyez là, de fausses excuses justement pour prendre possession, prendre contrôle de ces économies-là, ben vous avez la tête de la dette grecque qui a été remplacée par un ancien investisseur banquier de la Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs qui est en train de prendre possession de l'économie mondiale, c'est aussi de quoi d'assez grave là. Vous allez voir un article aussi à propos de ça, du nombre d'anciens et puis de présents travailleurs pour Goldman Sachs, des anciens banquiers financiers de Goldman Sachs qui se retrouvent dans un paquet de positions assez importantes à travers la structure de l'administration Obama et puis à travers d'autres pays aussi. Alors, ça, c'est pas des faits à négliger. On parle d'un point tournant ici en Europe avec la grève générale là, qui sévit en Grèce, qui a impliqué plus de 2 millions de travailleurs dans le secteur privé et puis les secteurs publics. Donc, ça, c'est une situation assez importante qui se passe. Alors, une résistance qui est en train de grandir dans un mouvement pour arrêter les gouvernements d'Europe et puis les corporations de faire en sorte que ce soit les travailleurs qui vont payer pour la crise économique et les plans de sauvetage à l'ordre de multimilliards de dollars pour les banques européennes. Alors, c'est des plans d'austérité qui vous attendent, et c'est aussi au Québec, des plans d'austérité pour le Canada, des plans d'austérité pour tous les pays, pour une crise économique qui a été mise en place et puis créée volontairement par ces mêmes milieux financiers, ces mêmes milieux bancaires, OK? Et puis, qui va payer la facture? Ben, c'est vous. Alors, il y a peut-être de quoi apprendre de tout ça, puis de faire en sorte qu'on ne paie pas pour les erreurs et puis les conneries que ces banquiers privés et ces financiers de Wall Street font. Alors, ça, c'est quand même une leçon importante à retenir de cette ère. On a le Crédit Suisse qui a déclaré que les investissements aux États-Unis étaient plus risqués qu'en Indonésie. Alors, ben oui, ça vous donne un peu une idée. Ensuite, on a un article ici qui parle de l'effondrement financier de 2008 et puis que 2010 était pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le déni, était pour être une année où on était pour voir les nations industrielles entrer dans une des plus grandes calamités de l'histoire. Okay? Donc, on est en train de parler d'une méga dépression qui est en train de déferler sur le monde. On parle juste aux États-Unis de 35 millions d'Américains qui sont sur l'aide alimentaire de 12% de la population américaine. Okay? Donc, c'est des chiffres énormes. On est en train de voir des chiffres qui commencent à ressembler à ce qui s'était passé durant la Grande Dépression des années 30, 1929-1930. On a 18 millions de maisons vacantes, okay, qui ont été reprises de finances aux États-Unis, et puis 39 millions d'Américains qui ne sont pas en train de chercher de l'ouvrage, ils ne sont pas capables d'en trouver. Alors, voilà pour la situation aux États-Unis. C'est loin d'être ce qu'il y a de plus rose, et puis c'est encore basé sur un système qui est fait pour créer l'appauvrissement de la population générale, le système fractionnaire bancaire. Donc, ça va être tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et prévenez-moi dans quelques jours. Vous allez avoir une autre édition de L'Autre Monde. Et puis, cette fois-ci, on va parler d'actualité. Ça risque de prendre quasiment l'émission au complet. Et puis, si on a le temps, on va essayer de toucher au dossier du réchauffement climatique qui est aussi massif. Alors, on va essayer de passer au travers de toutes ces affaires-là. Donc, voilà. Je vous salue bien bas. Et puis, je vous souhaite le meilleur et qu'on se retrouve dans pas grand temps. Bye bye. C'était François pour L'Autre Monde. Thank you. Thank you.